holidays, oh holidays. C'est l'avion qui descend du ciel et sous l'ombre de son aile une ville passe. Que la terre est bas, holidays. Holidays, so holidays. Des églises et des HLM. Que fait-il de dire qu'ils aiment, qu'ils vivent dans l'espace. Que la terre est basse. Holidays. Et la terre est basse, holiday.